Sarah du Siam, pas non syndiquée. Du coup, ce qui a été dit à cette AG, c'est donc une AG personnelle étudiant, c'est que la grève a été reconduite jusqu'à lundi 8 janvier pour la prochaine Assemblée Générale, qui sera sûrement personnelle et étudiante à 12h30, il me semble. Manifestation jeudi à 14h, mais on n'a pas le lieu, il me semble. C'est à Jaurès. Jaurès, bon. Du coup, il y a aussi la question de la grève qui a été reconduite jusqu'à vendredi, c'est ça ? Non, jusqu'à lundi, jusqu'à la rentrée. Voilà. Non, pour les personnels, c'est jeudi. Et pour les personnels, c'est jusqu'à l'AG de jeudi, parce qu'ils revotent au jour le jour la grève, les personnels. Il y a eu des choses qui ont été dites aussi par rapport au partiel, qui sont justement, c'est quelque chose d'assez flou. Alors en fait, oui, par rapport au partiel, ce qui a été dit de la déléguée CGT, c'est que les syndicats ne pouvaient pas se positionner en revendiquant que les examens ne devaient pas se tenir, enfin l'annulation des examens ou le maintien des examens, que en gros ce qui a été dit mais qui a été embrouillé, c'est que c'est qu'une question de conscience personnelle, que si tu es gréviste, tu fais la grève, tu ne maintiens pas les examens, mais que si tu es non gréviste, tu maintiens tes examens et qu'on ne peut pas imposer quelque chose là-dessus. C'est un petit peu ça qui a été dit, mais enrobé quoi. Je pense que ça, c'est encore quelque chose de très clivant aussi comme question, tous les partiels. Oui, bien sûr. Qui empêche aussi du coup beaucoup d'étudiants et de profs. De participer. Et même de profs, oui, parce que. On voit bien que la grève, elle est votée, mais elle n'est pas suivie. Oui, par ouais. Tout le monde, donc il y a encore beaucoup de gens qui font cours. Il y en a qui râlent à cause de la grève de la BU, par exemple, etc. Donc on voit que. Cette question du coup des partiels, c'est vraiment. Mais c'est quand même super qu'il y ait toutes les BU sauf le CRL qui est fermé, quoi, depuis le début de la grève. Ça, c'est déjà une superbe chose, parce que du coup, ça amène une solidarité. Enfin, une vraie cohésion, oui. Ouais, et le souci, c'est que même des professeurs, des enseignants qui sont grévistes aujourd'hui, qui ne font pas passer les examens aujourd'hui, subissent la pression de leurs collègues non grévistes, voire des directeurs de services non grévistes, et que s'ils sont minoritaires, ils ne peuvent pas aller trop longtemps à l'encontre de ce qui doit se. Enfin, ils se mettent à faire passer les examens sous pression de l'ensemble du service, quoi. Est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on est là maintenant tout de suite ? On est à la maison de la recherche. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici ? On est venu discuter avec les collègues chercheurs pro-IDEX, ou alors ceux qui ne sont pas très positionnés et qui continuent à ne pas faire grève, pour essayer de leur faire entendre que si eux, ça les intéresse, et que même eux seront perdants de toute façon, puisqu'on est dans les sciences humaines, que ce ne seront pas les sciences humaines qui sont privilégiées, que nous, en tout cas, on n'est pas d'accord, et que nous aussi, on fait partie de la communauté. Voilà. Et d'ailleurs, bémol, la plupart du temps, ce sont dans les services les enseignants-chercheurs qui ne font pas grève, et les contractuels, qui sont grévistes, et les contractuels, à côté des enseignants-chercheurs, n'ont pas le même pouvoir de mobilisation. Par exemple, ils ne peuvent pas convoquer une réunion de service, quelque chose comme ça, quoi. Enfin, oui, le département. La question du statut aussi qui est compliquée. Bon, mais merci. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, peut-être ? Non. Bon, merci. Bah, avec plaisir. Ce que j'ai pensé de cet AG ? Oui. Comme on n'est pas dans un mouvement dur, hein, on est un mouvement mi-figue, mi-raisin avec la problématique des examens, et que comme ce campus peut plus se bloquer comme il pouvait se bloquer il y a une paire d'années, mm-hmm. Je veux dire, maintenant on est plutôt sur un campus, on va dire, haussmannien, il faudrait au moins 500, 600 personnes, voire plus, et ça risque en plus de fracturer complètement la communauté entre étudiants et aussi entre enseignants, parce qu'il faut reconnaître que la majorité des enseignants continuent à faire cours, et actuellement il y a des examens. Les personnes administratives viennent aux AG, mais il faut reconnaître qu'après, ils retournent sur leur poste de travail et les examens ont lieu. Donc on est face à une problématique, enfin, qui est arrivée, ce mouvement, il arrive en pleine période. Non seulement il y a les vacances, plus les examens qui commencent le 8. Donc nous, on a juste la capacité en tant qu'élus dans les instances à bloquer les instances. C'est-à-dire qu'on peut bloquer le CA au niveau des décisions, au niveau du budget, la campagne d'emploi. La CVU qui a lieu demain, on a la capacité soit de ne pas avoir le quorum ou de le bloquer, c'est-à-dire bloquer les institutions Mais le fonctionnement même de l'université, on n'est pas en capacité actuellement. On n'arrive pas, mais on bloque, on fait la grève, mais c'est pas respecté par tout le monde. En plus, non, là, la grève, elle est loin d'être majoritaire, même si les AG sont pleines et même s'il y a des discours ou des tribunes enflammées, ça, on voit bien que les étudiants, pour la grande majorité, ils se concentrent sur leurs examens et après on peut les comprendre. Les étudiants boursiers, les étudiants étrangers, les étudiants qui n'ont pas d'argent et les examens, il y a la pression des parents. Et voilà. Je pense que la question clivante, du coup, c'est la question des partiels qui reste assez floue et qui est très compliquée de mettre en place, ouais. Mettre du coup l'annulation des partiels. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait un message à l'administration ou du président de la CLVU qui nous dise qu'il n'y aura pas de pénalité pour les étudiants qui se présenteront pour les examens, que les étudiants soient sécurisés sur la problématique des examens. Et on n'a pas ce message-là. Eux, à la présidence, pour l'instant, ça tout tourne. Hein. Je veux dire, on peut continuer comme ça pendant des semaines et des semaines. Pour eux, ça les dérange pas ce qu'on fait. On va faire une petite action de blocage aujourd'hui, là, à la maison de la recherche, mais globalement, ça tourne. Quoi. La démission du président, on aura du mal à la voir parce qu'il ne veut pas démissionner. Et donc, il y a juste une possibilité, c'est de faire sauter le conseil d'administration. Il faut que 2/3 des membres démissionnent, mais cette coalition-là, il y a l'opposition en face. Et donc, on repartirait sur des élections générales pour réélire tous les conseils. Par quel moyen juridique pour que ce soit logique à faire démissionner le CA ? Il faut que les 2/3 des membres démissionnent, c'est-à-dire qu'il y a 36 membres. Mais il y a moyen de faire une motion de défiance ? On a déjà déposé une motion de défiance, on peut dire que si le président ne représente plus. Mais après, s'il n'y a pas 2/3 du CA qui démissionne, le président, lui, il n'a pas l'intention de démissionner. Est-ce que les 2/3 sont avec lui ou pas ? Pour l'instant, il y en a 17 qui ont voté contre le projet de fusion. Il faut qu'on arrive à en convaincre, mais pour arriver à 24, 7. C'est-à-dire qu'il faut que l'opposition, qui pour l'instant est tranquille, je veux dire, l'opposition, on applique son programme avec un président qui a trahi, on va dire, son syndicat. Donc eux, ils jouent sur du velours, c'est pour ça qu'on ne les entend pas trop, ils ne participent pas. Pour eux, ça marche. Et si on fait des élections, on repart sur... et on ne sait pas qui va être élu. Est-ce que c'est quelqu'un qui risque pas d'être pire, parce que ce sera la même politique, mais voilà. Quoi, c'est... Ça ne change pas grand-chose de l'émission du CA. Voilà. Du coup, peut-être que la seule manière encore de lutter contre ça, c'est justement d'attendre ou de faire signe au jury de l'IDEX, faire pression peut-être sur ce jury d'IDEX et montrer qu'on n'a pas de ça, ou peut-être que c'est le bordel. C'est clair que le ministère suit de très près ce qui se passe ici, parce que non seulement ça a été évoqué tout à l'heure, il y a le plan étudiant avec la sélection qui va être mise en place, que s'ils voient que ça bouge trop souvent ici, ça risque de faire une contagion, parce que le plan étudiant ne s'encore pas trop dans les têtes, que les lycées se mettent en action, ils ont horreur de ça. Et le jury d'Aix, il n'aime pas trop quand ça bouge, donc pour eux, ça peut être un problème. On risque de fusionner sans avoir l'IDEX, c'est-à-dire, voilà, c'est... Est-ce que je peux avoir votre nom ? Christophe Bex. Non, je suis représentant des personnels au conseil d'administration pour le syndicat de la FSU. Très bien. Voilà. Merci. Alors. Merci. Bon, du coup, bienvenue à toutes et à tous pour cette assemblée générale commune au personnel et aux étudiants. Donc, on est content de pouvoir faire cette première AG en commun. Moi, je parle pas longtemps. Je vais présenter un peu la tribune et je me propose de faire la présidence. Donc, la première chose à dire, c'est que pour introduire l'Assemblée Générale, on propose que Suzanne, ici présente, pour les étudiants, et Yvan, à côté de moi, introduisent le débat et qu'ensuite, on laisse un maximum de place au débat collectif et aux interventions depuis la salle. Donc, avant de faire voter la tribune, je la présente rapidement. Donc, moi, c'est Marina, je suis militante à Solidaire étudiant et au nouveau parti anticapitaliste, et je propose de présider. On a Suzanne à côté de moi, qui est militante, à l'UNEF. Sonia, qui, si je ne dis pas de bêtises, ne milite pas dans une organisation. Yvan à côté de moi pour Sud-Éducation et Jean-Luc pour le Sud-Sud. Du coup, on va voter la tribune rapidement. Qui ne prend pas part au vote sur la tribune ? Qui vote pour la tribune ? Qui vote contre la tribune ? Qui s'abstient ? La tribune est adoptée. Donc du coup, je laisse la parole pour 5 minutes d'introduction. On commence par Suzanne et ensuite on passera la parole à Yvan. Merci. C'est bon du coup ? Bonjour à toutes et à tous. Alors je vais faire court, ça n'a pas vocation à être hyper long, mais je voudrais faire un rapide récapitulatif de ce qui s'est passé depuis la dernière AG des étudiants et des étudiantes, il y a 2 jours. Et donc, après la dernière AG, on est parti en intersyndicale en réunion avec le président de l'université, Daniel Lacroix, pour lui rappeler nos revendications de retrait immédiat du projet de fusion et pour revendiquer encore une fois sa démission. Pendant 40 minutes, il nous a bassinés avec sa langue de bois en disant que le projet de fusion était génial et que c'est sûrement qu'on n'avait pas compris, etc. Et donc c'est plutôt un échec de la négociation. Et donc après ça, Daniel Lacroix n'a pas pu retourner se cacher dans la présidence. Et donc il a été obligé de se confronter aux étudiants et aux étudiantes et au personnel mobilisé dans un amphi, auquel il a répondu à nos questions et à nos invectives. Et encore une fois, c'était encore de la langue de bois, encore du « vous n'avez pas compris, ce projet il est génial, ça va faire plein d'argent pour nos formations ». Et c'est pas vrai qu'il va y avoir une dégradation de nos conditions de travail et d'études accompagnées de ce projet. Et donc encore une fois, il a dit n'importe quoi. Il y a juste un autre truc qu'on tenait à clarifier, c'est qu'il y a des rumeurs un peu qui courent à propos de menaces de mort à l'encontre du président ou d'agressions physiques. Alors c'est pas vrai, personne l'a menacé de mort, personne lui a tapé dessus, et c'est important de le rappeler. On a également mené une action ce matin d'envahissement du CRL, le Centre de ressources de langue, qui est la dernière bibliothèque universitaire qui n'était pas fermée à cause de la grève, grâce à la grève aujourd'hui. Et donc on a mené une action ce matin pour, pacifique et dans la bonne ambiance, pour appeler à l'AG, inviter à l'AG les étudiants et les étudiantes et les personnels rassemblés au CRL ce matin et appeler à la grève également. Par ailleurs, à la dernière AG a été votée l'organisation d'une soirée dans cet amphi. Et donc ça sera à partir de 16h dans cet amphi. Et donc il y aura des projections, des débats et une soirée avec un sound system pour occuper un peu cet amphi cet après-midi et ce soir. Dernière chose, je pense que c'est important de dépasser le clivage qu'on a un peu en ce moment et dans nos débats, de discuter vraiment de qu'est-ce qu'on fait pour les partiels, qu'est-ce qu'on revendique l'annulation des partiels, de quelle manière, etc. Et comment est-ce qu'on fait pour que ce soit effectif dans la vraie vie, de manière à dépasser le clivage entre les étudiants et les étudiantes mobilisés qui empêchent les étudiants les étudiants sérieux qui veulent aller à leur partiel de suivre les cours, et pour faire en sorte que les étudiants et les étudiantes mobilisés qui font le choix de se mobiliser contre la fusion, ils ne soient pas pénalisés derrière, notamment pour les étudiants et les étudiantes boursières, pour tous ceux qui ont leur année à l'UB, etc. Et donc comment est-ce qu'on s'organise pour les partiels? Je pense que c'est un débat qui est important d'avoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Juste avant de passer la parole aux camarades à côté de moi, est-ce que quelqu'un a un ordi avec une prise VGA pour qu'on puisse prendre les propositions concrètes et les afficher sur le tableau? Si quelqu'un peut descendre un ordinateur, le HDMI ne marche pas. Donc si quelqu'un a un ordi avec un câble VGA. Bonjour à tous, je suis Yvan Chaubert, donc j'ai été présenté comme représentant sur l'éducation, donc si c'est vrai, mais là, pour aujourd'hui, je suis mandaté par l'intersyndicale qui représente EFO, la FSU, le SNASUP, les SNESUP, sur l'éducation et ça. Voilà. Et la CGT, pardon. Voilà. Donc ça, en fait, c'est tous les syndicats sauf la CFDT, vous l'avez bien compris depuis le début. Donc voilà, je suis mandaté à ce titre. Alors j'ai 5 minutes, je vais aller vite, je vais partager le temps de parole avec mon collègue enseignant, et moi représentant BIAT, voilà. Donc oui, ce projet, vous l'avez tous compris, si vous avez vu le projet, donc il est extrêmement néfaste évidemment. C'est un CV pour le jury IDEX, on fait comme vous voulez, on baisse la culotte en fait, on fusionne tout ce que vous voulez. Donnez-nous de l'argent pour la recherche, tant pis, si pour le reste on sacrifie, c'est pas très grave. Donc le président qui s'était engagé, je rappelle parce que la colère quand même des personnels, elle vient de là, d'un président qui s'était engagé à consulter la communauté universitaire, qui s'est engagé, alors d'abord il devait abandonner le projet, puis finalement voter contre, ça devait quand même passer au CA, puis finalement au pire il s'abstiendrait, et puis finalement il a voté pour, et puis c'est sa voix qui a permis ce projet néfaste de passer et en engageant notre université dans la fusion. Et pour nous, les personnels, je laisserai Jean parler des enseignants, mais pour les personnels BIAT, c'est désastreux parce qu'on voit dans les universités qu'on fusionnait que surtout les secteurs SHS que nous représentons, c'est le désastre complet. Tout est reliés au monde socio-économique et nous on n'a pas du tout les filières qui vont bien pour ça quoi. Donc ça crée des gros problèmes dans les services, des manques de moyens encore plus criants qu'avant, et ça c'est désastreux parce que déjà aujourd'hui on en manque de moyens et on peut pas céder non seulement à une trahison parce que c'est sinon alors tout va passer, et puis surtout un chantage à la dotation parce que c'est ni plus ni moins que ça quoi. Voilà ce que je voulais dire pour les BIAT. Je vais laisser ma parole à Jean-Luc qui va vous parler un peu plus pour les enseignants et les chercheurs. Bien, bonjour à tous, donc Jean-Luc Bret-Diba, enseignant à l'UFR de psychologie et secrétaire du CNESUP local. Je vais être bref également, je voulais juste rappeler nos deux objectifs principaux qui sont, un, la démission de Daniel Lacroix qui ne peut plus porter la parole de la communauté universitaire puisqu'il a failli à ses engagements, et deux, le retrait de ce projet IDEX et grand établissement, les deux étant intimement liés. Les questions qui vont se poser à nous lors de cet AG, ce sont les meilleurs moyens qui s'offrent à nous pour parvenir à ces deux objectifs, donc nous allons en discuter ensemble. Brièvement, pour revenir sur le projet IDEX-UT, sur le plan des enseignants, mais pas seulement, il engage notre avenir avec un modèle de gouvernance qui fera perdre l'autonomie de notre établissement, qui deviendra un collège et qui sera soumis aux décisions d'un CA stratégique composé d'une, pas une majorité, mais presque la moitié de personnalités extérieures. Donc nous perdrons la capacité à influencer ce CA, puisque nous aurons en gros autour de 4 représentants sur 30 dans ce futur CA, à côté des représentants des facs de sciences, médecine et des écoles d'ingénieurs. Donc il y a un risque énorme, enfin c'est pas un risque, c'est une vérité, une certitude, à perdre notre autonomie décisionnelle à tous les niveaux, sur le plan des recrutements, sur le plan de la politique de formation, la politique de recherche. Nous ne serons plus maîtres de notre destin. Donc voilà, j'en rajouterai pas plus pour l'instant. Le débat est ouvert, on propose de prendre les inscrits et les inscrites comme d'habitude jusqu'à à peu près 13h30-40, moment auquel on pourra passer au vote. Et du coup il y a un micro portatif, si quelqu'un veut bien le faire tourner pour celles et ceux qui n'ont pas forcément envie de descendre à la tribune. Il y a une première intervention ici, et donc, non, toi tu dis coucou, il y a une première intervention toi, et ensuite, ouais. Et du coup Ilias fait tourner le micro si j'ai bien compris. Allô. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je présente l'avis du militant LGBT. Donc, je vais remonter à l'Assemblée Générale quelque chose qui s'est passé ce matin. C'est-à-dire qu'en gros, on a envahi la bibliothèque, le CRL, voilà. Et il y a des étudiants qui, en fait, qui ont été un petit peu abasourdis sur la sirène que l'on a mis dans la salle, enfin, pour en gros les déranger. Sauf que, en fait, on s'est aussi rendu compte qu'il n'y avait pas de salle ouverte pour les étudiants pour réviser. Et comme les bibliothèques sont en grève, hein, sauf le CRL, la proposition, ce serait d'ouvrir des salles en fait, pour les étudiants qui souhaitent réviser, pour éviter de les vexer, voilà. Parce que sinon, c'est contre-productif. C'est à Hervé. Oui, donc Hervé Petit, moi je suis bibliothécaire, donc pour parler de bibliothèque. Bon. J'ai fait partie de ceux qui sont allés voir les collègues. Je suis bibliothécaire en grève, voilà, à l'UFR de Psycho, hein, le CRPLM, pour ceux qui connaissent, il y en a dans la salle, je présume. Voilà, donc nous, avec toutes les bibliothèques étaient en grève, sauf le CRL, donc c'est clairement aussi voilà, une action qu'on a fait ensemble, parce qu'il y avait, quand même cette. Ce souci-là d'avoir une unanimité voilà, au niveau des bibliothèques, qui soit dans le mouvement avec vous, avec nous tous. Ce que je voulais dire, c'est que là, on est très nombreux en AG. Je pense que c'est l'AG la plus importante depuis la grève, depuis la semaine dernière. Étudiants personnels, on est vachement mobilisés tous. Toutes et tous, là, on l'était ce matin. Voilà, il faut continuer la mobilisation. Donc, je voulais juste rappeler que donc, nous, il y a une manif donc, qui a été votée à la fois dans l'AG des personnels et dans l'AG étudiante à 14h à Jean Jaurès. Il faut être nombreux Et compris parce que nos collègues des autres universités commencent à se mobiliser, vont nous rejoindre à cette manif, les collègues de l'INSA, de l'INP, de Toulouse 3, parce qu'il ne faut pas croire que c'est parce que les CA de ces universités ou de ces établissements ont voté le projet INEX que les personnels sont pour. Les personnels, ils sont avec nous, ils savent très bien que ce projet, c'est de la merde et qu'eux aussi vont être impactés et mis dans la merde par ce projet et les étudiants et les personnels de ces établissements. Donc il faut qu'on soit tous le plus nombreux possible demain à 14h à Jean Jaurès en direction de la commune. Hein, on a dit ça parce que la commune, c'est quand même eux qui foutent dans la merde aussi, c'est les acteurs principaux. Hein. Je vous invite à regarder dans la Dépêche aujourd'hui le long article que le président de la commune a fait voilà, pour les contre-vérités qu'il donne. Et puis aussi, c'est pour vous rappeler leurs bons souvenirs. Hein, on a envahi le CA de la commune vendredi matin. Hein. À l'INSEAD, ben, il faut continuer, il faut leur mettre la pression parce que c'est eux aussi qui nous foutent dans la merde. Merci. J'ai oublié de préciser qu'on limite les interventions à 3 minutes. Du coup, c'est toi et ensuite Anna se prépare. Alors bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Guillaume. Je suis étudiant en psychologie. Je suis militant France Insoumise et La Révolution. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Je vais simplement vite. Donc, le projet de fusion est inhérent à une volonté politique qui est vieille de 30 ans, qui vise à privatiser l'enseignement, à créer une économie et un marché de la connaissance. Donc, en mettant en concurrence des établissements entre eux, les lycéens et les lycéennes entre eux, les étudiantes et les étudiants entre eux, et bientôt les futurs modules de formation entre eux. Donc, ce projet de fusion est directement lié à la loi Vidal. Donc, le plan étudiant qui a été voté hier à l'Assemblée nationale, donc qui est une loi qui vise à instaurer un processus de sélection au sein de l'université. Donc, faut pas se tromper, ce processus de sélection. Sa volonté n'est pas d'exclure les classes populaires de l'enseignement supérieur, c'est de les cloisonner dans des filières qui leur seront réservées parce que ce seront les seules accessibles financièrement. Voilà, donc ce seront des filières qui seront défavorisées par rapport à des filières d'excellence qui coûteront une fortune et par les mêmes qui feront exploser la dette étudiante. Donc c'est un réel processus d'assujettissement de la vie des jeunes qui vise à créer une main-d'œuvre pour l'oligarchie financière. Donc c'est une loi liberticide qui va faire complètement exploser les inégalités sociales. Donc la loi a été votée hier à l'Assemblée nationale, elle va repartir au Sénat, et elle peut revenir très très vite et entrer en vigueur extrêmement vite parce que le gouvernement en ce moment, ils sont rapides pour faire passer leurs mesures. Donc c'est en ce sens que je propose une motion dans laquelle les étudiants et les personnels réunis en AG aujourd'hui appellent les élus qui siégeront au conseil d'administration quand la loi entrera en vigueur, à y désobéir purement et simplement. Donc voilà, en espérant que ça se propage dans les autres facs. Donc je lis la motion. Donc la loi Vidal, en créant un marché de l'enseignement marqué par la concurrence de tous contre tous, et sous couvert d'individualisation et de contractualisation, procède à un assujettissement de la vie des jeunes citoyens qui aggravera les inégalités sociales. Les étudiantes, étudiants et personnels réunis en AG le 20 décembre 2017 appelle les élus qui siégeront au conseil d'administration de l'université Toulouse-Jean Jaurès quand la loi entrera en vigueur à voter et à appliquer sa désobéissance. Voilà, merci. Merci. Anna et Théophile, etc. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je voulais juste raconter pour celles et ceux qui n'étaient pas là, y compris parce qu'on est bien plus nombreux que lundi après-midi. En gros, Suzanne le disait rapidement, mais lundi après-midi, on a réussi en fait à obtenir une confrontation avec le président de l'université qui allait au-delà d'intersyndical, donc dans la foulée, quoi. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'on a, enfin, toutes les présentes et les présents ont remarqué, c'est que l'axe principal de défense du président, c'est de dire que nous, on ne serait pas légitimes et que les véritables organes démocratiques de cette université, ce seraient les conseils. Et moi, je voudrais déjà commencer par un rappel. À mon avis, on est beaucoup ici à le savoir, mais je pense que c'est un bon argument déjà vers l'extérieur et pour essayer de mobiliser celles et ceux qui ne sont pas là. Donc un petit rappel, c'est que dans le conseil d'administration de l'université actuelle, il y a 8 personnalités extérieures qui ne sont pas élues. Et il faut savoir aussi qu'au dernier CA, celui où le président a tranché en faveur pour la fusion, si les personnalités extérieures n'avaient pas de droit de vote dans ce conseil d'administration, la fusion ne serait pas passée. Et enfin, sur la question démocratique, je tiens à rappeler quand même que la consultation où on a toutes et tous été ultra majoritaires à voter contre la fusion, il y avait deux fois plus de votants que pour les élections au Conseil, et que du coup, de fait, cette consultation est deux fois plus légitime que le vote qui a mis la croix où il est. Et je pense... Donc voilà, et moi ce que j'ai remarqué lundi, c'est qu'on est nombreux et nombreux à être très en colère, et surtout à se rendre compte que de fait, la croix nous crache un peu à la gueule quand il impose ce projet de fusion, mais y compris que c'est quelque chose qui en fait, enfin c'est pas juste maintenant quoi, c'est l'université fonctionne comme ça, et on se rend compte à quel point notre voix pèse que dalle, malgré le fait qu'on soit plusieurs centaines en AG aujourd'hui et précédemment quoi. Et de fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que je pense que cette colère, elle est ultra légitime, qu'on doit continuer à l'exprimer, mais qu'il faut aussi qu'on arrive à la transformer en un plan pour gagner, quoi. Parce qu'en fait, moi, je suis persuadée que la légitimité et la démocratie, elle est de notre côté dans cette histoire. Et du coup, juste pour dire qu'à mon avis, il faut que la discussion aujourd'hui, elle porte sur comment on arrive à mettre en place un plan pour, vraiment pour gagner, pour faire retirer le projet de fusion, pour redonner confiance y compris à d'autres facs qui subissent les mêmes attaques plus ou moins, et à réfléchir aussi comment on fait pour ne pas se laisser prendre en otage par du coup le chantage des partiels et des vacances, et rentrer, arriver encore plus déterminé à la rentrée. Théophile et Aurélien, s'il vous plaît. Bonjour, donc je viens ici en tant que représentant de l'Interfoyer. Donc on s'est réunis avec plusieurs foyers pour savoir si ou pas on était officiellement en mouvement contre la fusion. Donc ça a été voté à l'extrême majorité que oui. Donc les foyers sont avec nous contre la fusion. Donc dans différents foyers, par exemple le foyer d'histoire ou le foyer de géographie et sciences humaines, on a mis des caisses de grève à l'intérieur au niveau des comptoirs. Donc on vous invite aussi, si vous faites partie à d'autres foyers, s'il n'y a pas encore de caisse de grève, à en mettre un peu partout si vous pouvez. Aussi, hier, il y a un espace cuisine qui s'est fait entre la case 20 et le foyer d'histoire. Un espace cuisine avec de la récupération qui sera fait en soutien à la grève et mise en vente à prix libre tout à l'heure pendant les différentes manifestations qu'il y aura. Il y aura également des ateliers pancartes qui seront prévus pour, dans le cours de la semaine à côté de ces deux foyers. Donc c'était pour montrer le soutien que les foyers avaient et l'implication que nous avons. Parce qu'il ne faut pas oublier que si la fusion passe, dans 5 ans, les foyers d'histoire, les foyers de sociologie, les foyers de psychologie et tous les foyers du Mirail n'existeront plus. On n'aura plus de foyers et on n'aura peut-être plus de Mirail non plus. Du coup, il faut rester mobilisé et d'autres personnes le diront sûrement mieux que moi. Merci. Du coup, Aurélien et Yvan. Oui, je ne suis pas tout à fait prête, c'est un peu le bazar. Coucou. Je m'appelle Oriane, je suis partie de l'IET et je suis en licence lettres modernes. Alors, en fait, je voulais vous parler de ce qui s'est un peu passé hier. Et hier, il y a quelque chose qui a fuité. Il y a eu un Macron Leaks, en fait. Donc, c'est le document qu'a reçu l'équipe de campagne Macron concernant l'enseignement supérieur. Et je vais vous en lire des passages, c'est savoureux. Et je pense que c'est vraiment très intéressant qu'on commence à les regarder. Donc, grand 1, petit a. Réforme du financement de l'université, développer le crédit aux étudiants, augmenter les droits d'inscription, le nerf de la guerre. Je cite. Je n'hallucine pas. Donc, premier paragraphe, la disette budgétaire. Donc, il reconnaît qu'on est quand même un peu en galère. Deuxième paragraphe, hausse des droits d'inscription. Troisième paragraphe, développement du crédit aux étudiants. Et quatrième paragraphe, c'est savoureux, impliquer les banques. C'est vraiment génial, vous pouvez le trouver sur Mediapart, vous pouvez le trouver, c'est en train de circuler sur Facebook, vous pouvez le trouver sur le blog groupe Jean-Pierre Vernant. C'est savoureux, ça parle qu'il faut désyndicaliser les universités. Coucou, c'est vous. Ça parle qu'il faut augmenter les frais d'inscription, mais progressivement. Alors d'abord, on va faire 1 000 euros par an, et ensuite, on va faire 4 000 euros par an. Et puis, vous pourrez faire des prêts, mais vous pourrez les rembourser, avec des taux d'intérêt pas très forts. Voilà. Et c'est extrêmement instructif, et notamment, ça parle de la sélection et des fusions. Donc les fusions, il faut continuer. En gros, j'ai pas encore tout lu, hein, parce que c'est un peu long et que c'est génial, et que du coup, je dépose ça toutes les minutes. Et sur la sélection, ça dit, oui, les universités vont pouvoir sélectionner. Donc quand on dit, nous, oui, les frais d'inscription vont augmenter et la sélection va passer, je raccourcis, c'est ça? Je sais plus. Quand on dit les frais d'inscription vont augmenter et la sélection va passer, c'est pas nous qui le disons, c'est Emmanuel Macron. Donc voilà, je veux dire, Emmanuel Macron, c'est pas n'importe qui dans le pays, hein, c'est un peu le président, donc a priori, il est pas non plus sans pouvoir, quoi. Et là, ce qui se passe, c'est le plan étudiant, je vais rebondir là-dessus. Le plan étudiant, c'est quoi pour Macron? Le plan étudiant, c'est un test. C'est un test pour voir si effectivement les étudiants derrière ils ont du répondant et si effectivement il va avoir un mouvement étudiant. C'est un test en fait. Et là il est en train de nous tester en même temps que nous on est en train de fusionner. Donc je pense que c'est très important de prendre conscience de ce contexte-là et de se mobiliser. Voilà. Oui, alors merci Auréliane, c'est bien résumé parce que ce que vient dire Auréliane, ça fait longtemps qu'on le dénonce. Là, on voit bien qu'avec ce gouvernement, on rentre dans le vif du sujet, hein. On a gravi des démarches de plus en plus importantes. Et j'entends, je prends la parole parce que ça fait, je pense qu'il va y avoir une bataille de langage, d'éléments de langage, entre les profusions et les antifusions. Et j'entends depuis quelques jours des événements qui, soi-disant, auraient été violents, etc. Donc j'ai été à la plupart des événements. Très franchement, je n'ai pas vu de violence. Alors peut-être le président a pris un peu de farine. Alors, je rappelle qu'il y a des tas de gens qui se sont fait entarter, hein, complètement. Hein. BHL, Sarkozy, fin d'État. Et on n'indiquait pas ça comme quelque chose de violent. Donc non, il n'y a pas eu de violence. C'est pas vrai, c'est de la désinformation. La vraie violence, elle est sociale. Et on la voit peut-être pas. Mais Auréliane a fait un bon compte-rendu de ce que c'est de la violence sociale. Ouais. Alors, Emma. Et j'ai marqué pull rouge, c'est toi là-haut. Voilà, je vois pas, j'ai pas de lunettes. Mais du coup, après c'est toi, donc si tu peux descendre après. Emma, elle est là. Ah oui, et je propose de prendre une liste d'inscrits et d'inscrites sur la prochaine intervention. Donc, c'est-à-dire les gens peuvent s'inscrire pendant la prochaine intervention et ensuite on clôtura le... Oui, j'ai vu qu'il y a Véronique, on clôturera le débat. Pour une fois que je ne suis pas à la tribune, je vais pouvoir parler à mon nom, ou en tout cas au nom de Force Ouvrière. Je voulais juste rajouter que sur le plan de licence, effectivement, il y a l'enjeu de la sélection des étudiants, ça c'est une évidence. Il y a aussi quelque chose de peut-être encore plus pervers, c'est la remise en cause du baccalauréat et des diplômes nationaux qui garantissent jusqu'à présent en France, notamment dans le code du travail et dans les conventions collectives, une rémunération ou la capacité de pouvoir rentrer dans la fonction publique. Donc le plan licence, c'est effectivement une sélection des étudiants, mais c'est aussi probablement la casse de ce que c'est que le diplôme national comme garantie d'un certain revenu de salaire quand on va négocier auprès des employeurs. Du coup, c'est à Hugo et Maria se prépare. Bonjour à tous, Hugo Angèle, étudiant en L2 musicologie. Pas syndiqué, pas dans les mouvements politiques, je suis un néophyte dans la mobilisation. Et en fait, je veux juste attirer votre attention, je ne pense pas que tout le monde l'ait vu, d'ailleurs je crois que beaucoup de gens ne l'ont pas vu, mais hier, nous avons reçu un mail dans la soirée, un mail de la présidence, donc les élèves, ce sera sur votre compte Iris, votre compte EMT, voilà. Donc, et lisez-le, c'est très édifiant, parce qu'en fait, c'est un mot de la présidence à l'ensemble des élèves et des personnels, dans lequel Monsieur Lacroix, alors j'ai plus la formulation exacte, j'ai pas réussi à retrouver le mail, mais en gros, appelle au discernement et au calme. Donc appeler au discernement quand il fait... Enfin, je sais pas qui c'est qui fait le preuve de moins de discernement entre lui et nous quand on voit le projet qu'il essaie de faire passer, mais enfin bon, c'est pas le sujet. Juste, je voudrais... Il précise aussi à la fin qu'il refuse que soit fait pression sur les gens qui ne participeraient pas à la mobilisation. Et donc en fait, c'est sur cette phrase que je veux attirer votre attention, parce que moi je trouve qu'on devrait pas la laisser passer, qu'elle est pas du tout anodine, parce qu'en envoyant ça à l'ensemble de la communauté, en fait, le mail, je pense qu'il n'est pas pour nous qui nous mobilisons, il est pour ceux qui ne sont pas encore mobilisés pour les faire flipper. Parce que du coup, il leur donne l'impression à ces gens-là qu'ils vont recevoir des pressions s'ils ne se mobilisent pas, il nous discrédite à leurs yeux, nous fait passer pour des fascistes, clairement, voilà, et donc du coup, je pense qu'il nous faudrait, je ne sais pas de quel moyen vraiment on pourrait, mais faire une réponse à ce mail. Parce que là, c'est lui, en fait, qui induit cette notion de pression, alors que nous-mêmes, nous n'avons pas induit. Et il faut vraiment pas laisser passer ça, parce que ça nous fait une... Bon, j'aime pas dire ce mot-là, mais ça nous fait vraiment une pute de merde, en fait. Et vraiment, ça nous fait passer pour de gros fachos, et je pense que ça peut porter préjudice à la mobilisation, notamment auprès des élèves les moins informés. Et là, je pense notamment à L1 qui vient juste de débarquer, qui ne sont absolument pas au courant de ce projet-là. Merci. Marlène, et toi en violet là, tu te prépares. Bonjour, vous êtes vraiment beaucoup, c'est super impressionnant. Alors moi je suis étudiante en main de géographie, et donc la particularité de mon master c'est que c'est un master professionnel, et on est amené à travailler avec les entreprises, et c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Que ce soit l'an dernier ou cette année, on est donc amené à faire le travail des entreprises gratuitement, donc des diagnostics, on leur fait un travail de cabinet d'études en gros qui ne paye pas ou qui paye à la fac mais pas à nous. Et on s'est retrouvé dans des situations totalement rocambolesques comme l'an dernier où on a quand même eu un jury de partiel devant les gens de Vinci. Voilà, donc ennuyeux de développement durable en plus. Voilà, donc du coup ce que je voulais juste rajouter c'est que outre le projet de fusion dont on a déjà évoqué les grandes lignes, ce qui est important c'est qu'avec ce projet de fusion il y aurait encore plus de place pour les entreprises dans l'université. C'est déjà le cas, elles nous mettent déjà la pression. On a du chantage au travail, là par exemple cette année elles nous font travailler mais elles veulent pas nous recruter en stage. Voilà. Donc on est censé se démerder en fait. Donc il faut surtout pas laisser passer ça, il faut qu'on reste mobilisé, il faut vraiment qu'on se décide pour les partiels, parce que ce projet de fusion c'est la porte ouverte aux banques comme c'était marqué dans le projet de Macron, étonnant, et au projet et également la porte ouverte aux entreprises qui foutent déjà le bordel dans nos licences et dans nos masters. Donc il faut vraiment rester mobilisé et garder en mémoire qu'il faut s'organiser pour les partiels en janvier. Merci. Et Ariel Sotomar. C'est clos en fait depuis trois tours. C'est très bien l'intervention de la camarade, ça me permet d'enchaîner effectivement sur le problème que je voulais soulever, c'est le problème des examens. Peut-être voir du coup pour avoir une réponse des personnels, savoir un petit peu quel est l'état de la mobilisation au niveau des secrétariats des différents UFR. Puisque, sauf erreur de ma part, un examen ne peut pas se soutenir s'il n'y a pas de secrétariat d'examen. Donc essayer de faire un peu le point là-dessus, essayer de compter un peu nos forces. Et du coup, moi je voulais effectivement qu'on aborde cette question. Effectivement, je vais arrêter un peu les effectivement, c'est un peu agaçant. La question des examens, les étudiants. Là actuellement, on voit qu'il y a peut-être plein d'étudiants qui ne sont pas là, puisque voilà, on peut pas, on a examen, il faut effectivement qu'on réussisse nos examens. Donc ce que je propose, c'est qu'ici on appelle effectivement qu'on fasse un vote sur le fait qu'on ne pénalise pas les étudiants qui veulent s'engager à la rentrée des vacances dans la lutte contre la fusion et ensuite dans la lutte contre le plan étudiant qui a été soulevé par le camarade de la France Insoumise, puisqu'effectivement ça vient d'être voté. Et je pense que, comme j'ai proposé la dernière AG, il faut aller chercher les lycéens, il faut aller les informer sur le projet, il faut massifier, il faut qu'on ait un mouvement national de résistance. Voilà. Donc maintenant, à notre force, c'est effectivement, la lutte, elle est prise à Toulouse, et il faut maintenant l'engager au niveau national. Il faut qu'on donne l'exemple à toutes les facs qui nous suivent contre la lutte, contre le groupe, contre Macron, son gouvernement et tous les puissants. Voilà. C'est ça, ce que j'avais à dire. Alors, juste avant de donner la parole à Aria, il y a encore plein de gens qui nous ont rejoints, mais du coup, il reste des places assises, hein, pour celles de ceux qui veulent descendre s'asseoir, il reste de la place. Du coup, c'est à Aria et Sati se prépare. Aria, Master 2 Sociologie, UET, NPA. Alors, depuis le début, depuis l'argumentaire de Monsieur Lacroix, la pétition des anciens chercheurs en soutien à la fusion, on nous explique qu'on comprend rien, on nous explique que non, il n'y aura pas de sélection, non, il n'y aura pas de casse, non, c'est pas l'élitisme, on comprend rien. Moi hier j'étais malade, j'avais du temps à perdre, du coup je suis allé sur le site de l'Université fédérale. Et on voit deux choses sur le site de l'Université fédérale. D'abord, qu'est-ce qui a été financé par l'IDEX 2015-2016 ? Les projets de recherche, à 90%, c'est des projets de recherche en sciences appliquées, ils sont tous écrits en anglais, sur les nanotechnologies, nanoparticules, quasiment rien en SHS, à part des recherches sur les temps anciens, sur la céramique au XIIe siècle. Je critique pas, hein, mais je veux dire rien sur aujourd'hui. La seule recherche en économie appliquée, c'est une recherche de la TSE, Toulouse School of Economy. Ensuite, les filières qui ont été financées par l'IDEX. On a un parcours jeune talent en espagnol, avec volume horaire accru, des séjours internationaux obligatoires, 75 places. De l'excellence en LSF, 15 places. Une licence excellence en expert comptable, co-organisée par des cabinets d'experts comptables vie des affaires. Donc, grosso modo, devenir expert comptable trader. C'est ça qui a été financé, en grande partie, par l'IDEX en 2015-2016. Il suffit d'aller sur ce site. En fait, ils nous prennent vraiment pour des débiles quand ils nous disent « mais non, c'est pas l'excellence. Si, si, c'est écrit. Noir sur blanc, qu'est-ce qui a été financé ?» Il y a aussi un site qui s'appelle Université Toulouse Intégrée, sur lequel on parle d'une université modèle. C'est l'université de Pennsylvanie. Il y a une délégation de l'Université fédérale de Toulouse qui est allée en 2016. Il y a des comptes rendus, notamment un sur le partenariat avec le privé. On nous explique que ce qui est bien dans cette université, c'est qu'aujourd'hui, non pas l'université est soumise aux entreprises comme on pourrait le craindre, non, non, que l'université fait tout pour intégrer l'entreprise à l'intérieur. Pour intégrer, il y a un ancien directeur de General Motors qui aujourd'hui co-gère le programme pédagogique pour que ça aille au privé. Et c'est écrit que c'est ça l'université cible. C'est écrit que c'est ça qu'ils veulent de nous. Donc ils nous prennent vraiment pour des débiles quand ils nous expliquent qu'en fait, non, nous on comprend rien, ça va pas être ça. C'est écrit sur Internet, c'est écrit sur leur site Internet. Ça, c'était la première chose. La seconde chose, donc pour aller dans la continuité de la mobilisation, lundi on avait parlé de faire une action. Donc là, je resoumets au vote le principe de faire une action d'envahissement à 14h. Rendez-vous devant le grand accueil, on donnera le lieu à ce moment-là. Donc je le resoumets au vote quand même pour que les personnels et les étudiants votent ensemble pour l'action. Merci. Merci à Satie et Véronique. Satie, tu peux lever la main. Pour la fusion et tout ça, on peut peut-être aussi nous proposer une pétition qu'on peut envoyer partout. Une pétition qu'on peut envoyer partout contre ce projet de fusion, qu'on peut faire tourner à des élus, à des intellectuels, à des gens qui gèrent les lycées, les collèges, enfin à tout le monde, quoi, pour répondre justement à ce projet-là et avoir des soutiens un peu partout en France, voir à peu près qui est avec nous ou pas. Pour les partiels. Je pense que déjà, les personnels et les enseignants qui décident de tenir les partiels, bah, qu'ils le clarifient, qu'ils le disent, et ceux qui décident de ne pas les tenir, le clarifient aussi, envoient des messages à tous leurs étudiants pour que ça soit clair et qu'on sache où on est. Ça peut aider à prendre des décisions aussi sur la mobilisation au niveau des étudiants. Et puis, en parlant avec d'autres gens, en diffusant des tracts et tout, qui était plutôt pour défendre le projet de fusion ou contre la grève, on est souvent stigmatisé comme étant juste des gens qui s'opposent à un projet, qui on va s'opposer contre tout. Mais du coup, pour démonter un peu ça, on peut peut-être faire des réunions où on pourrait s'organiser et voir qu'est-ce qu'on peut proposer comme projet alternatif à tous les problèmes qui sont soulevés et que finalement ne résout pas le projet IDEX. C'est à Véronique, et Léo se prépare. Si on est si nombreux aujourd'hui, personnels et étudiants, c'est parce que nos conditions de travail se sont dégradées. Pour les personnels, ce sont des conditions de travail avec des surcharges de travail, des déficits de personnel, mais des salaires qui ne bougent pas, donc un pouvoir d'achat qui baisse. Tout un panel de situations qui font qu'aujourd'hui, c'est le ras-le-bol. Pour les étudiants, c'est la crainte d'augmentation d'inscription, mais c'est aussi des conditions déjà qui sont difficiles pour accéder. La moitié des étudiants travaillent et dans des conditions que nous connaissons. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation à l'université que l'on n'a pas vu depuis plusieurs années. Nous avons une violence sociale avec des régressions sociales, que ce soit dans le public comme dans le privé, sans inédite. Et donc, nous avons un gouvernement, des ministères successifs, qui nous ont amené à un conflit avec une lutte que nous menons aujourd'hui, depuis quelques jours. Il nous faut continuer à mobiliser tous les agents, tous les personnels et les étudiants sont encore craintifs et qui sont sur la réserve. Sur la question des examens, nous nous sommes prononcés en AG des personnels sur le droit de grève, qui est un droit constitutionnel et sur lequel, et un droit individuel, sur lequel nous ne pouvons pas agir, enfin, nous ne pouvons pas agir sur les examens, nous ne pouvons pas décréter d'organiser ou de ne pas organiser les examens. Cependant, ici à l'université, on a un savoir-faire parce qu'il y a eu plusieurs années de lutte et l'administration est à même, c'est-à-dire le pouvoir, la direction, est à même de prendre et de mettre en place une organisation qui permette de pallier aux problèmes que pose inhérents à la lutte, inhérents à la grève. Donc pour l'instant, il y a un semestre qui est en jeu, mais l'année n'est pas finie et l'année n'est pas en jeu. Donc le droit de grève, c'est aussi l'arrêt de l'outil du travail, autant pour les étudiants que pour les personnels enseignants et administratifs. Donc continuons à nous mobiliser, on voit que de plus en plus de monde nous rejoint, dans les UFR, dans les composantes dans lesquelles on est passé porter le communiqué, on a vu que des enseignants étaient là présents et en grève depuis plusieurs jours et dans la grève. Donc ils ne sont pas absents aussi de ce mouvement. Les personnels administratifs sont là, continuons. Merci. Alors, c'est à Léo et Jean-Luc Sopera. Ouais, du coup Léo, solidaire étudiant et NPA jeune. Du coup, juste rapidement, parce que juste pour revenir sur ce que le mail qu'a envoyé la présidence, etc., dont parlait le camarade. Moi je pense qu'il faut avoir les mots justes. Les mots justes, c'est quoi? C'est qu'on essaye de nous prendre en otage. On essaye de nous expliquer qu'il faut absolument un retour au calme, qu'il faut que les examens ne soient pas perturbés, etc. Autrement dit, qu'on fasse une grève inoffensive, autrement dit, qu'on ne fasse pas grève. Donc à mon avis, ça, il faut absolument rompre avec cette logique. Déjà, parce qu'en fait, si on veut faire mal, si on veut continuer à augmenter le rapport de force, il faut revoquer la grève à cette Assemblée Générale. Il faut taper là où ça fait mal, les examens, ça fait très très très très mal. Il faut paralyser les examens à la rentrée, et y compris parce que ça, c'est la condition pour que les étudiantes et les étudiants ils puissent continuer à se mobiliser à la rentrée, sans quoi ils vont devoir arrêter pour pouvoir passer leurs examens, et ça va être la fin du mouvement. Et ça, c'est exactement ce que veut Daniel Lacroix. Donc je propose qu'on vote la reconduction de la grève à la rentrée, une Assemblée Générale lundi à 12h30, donc le lundi 8 janvier, si je ne dis pas de conneries, et qu'on s'organise pour empêcher les examens de tenir avec tous les étudiants et les personnels ici présents. D'ailleurs, C'est Jean-Luc et Lucas. Alors, c'est à Jean-Luc, et ensuite on aura une intervention des copains et des copines grévistes du CHU qui sont arrivés entre temps et à qui on dit un gros merci. Bien. Donc, pour revenir sur des choses très pragmatiques et pour arriver donc aux deux objectifs dont je parlais tout à l'heure, la démission du président, le retrait du projet IDEX, quelle modalité d'action avons-nous ? Il me semble qu'il est très important que nous montrions que l'université ne fonctionne pas normalement, d'une manière ou d'une autre. Il faut montrer qu'il y a une mobilisation forte. Il faut montrer qu'il y a des actions fortes. Donc, on nous a proposé à l'instant de faire une action à 14h. Nous sommes nombreux là. Il faut y aller. Il faut faire cette action. Il y a une... Il y a une manifestation demain à 14h, il faut être très nombreux, le plus nombreux possible, et ceci en interaction avec nos collègues des autres universités. Il y a une AG également demain à 10h30 pour le personnel, il faut être également nombreux. Pourquoi ? Un, pour garder la pression sur notre président, mais je pense que la pression maximale, elle lui sera faite dans les conseils, en particulier le conseil d'administration à la rentrée, il le dit lui-même, donc là aussi il faudra mettre la pression. Et puis deux, et je le disais hier en AG, il faut mettre la pression et montrer que ça ne fonctionne pas bien par rapport aux gens qui nous observent, en particulier le jury international qui statuera sur l'IDEX. Ce jury international, nous ne voulons pas de son avis. Nous sommes assez grands pour savoir si nous faisons du bon boulot ou pas, si nous avons de bonnes formations et une bonne recherche. Il y a une forme de soumission à ces jurys, à des gens que nous ne connaissons pas, nous ne savons pas où ils sont hors sol. Nous ne voulons pas de cette soumission. Il est caractéristique de voir qu'un certain nombre de structures, même à l'échelle de Toulouse, rentrent un peu dans cette perspective de la soumission, entre guillemets. Il y a une structure qui s'est mise en place, qui regroupe les chercheurs et les enseignants dans le domaine des neurosciences, des sciences cognitives, qui s'appelle le Toulouse Mind and Brain Institute. Sur le site, en gros, Toulouse Mind and Brain Institute, et dessous, Institut des sciences du cerveau en tout petit, en français. Et les gens qui échangent sur ce site, ils échangent au niveau toulousain, ce sont des Français tous, ils échangent presque tous, ils échangent tous en anglais. Ils s'envoient des mails en anglais. On ne sait jamais si le jury international nous regarde, c'est bien de montrer qu'on échange en anglais, ça fait pas mal. Big Brother is watching you. Donc nous ne voulons pas de ça. Nous ne voulons pas de ça. Et ce jury international, il viendra, je crois, le 12 février sur le site. Il faudra lui montrer que nous sommes là et que nous ne voulons pas de son avis. Merci. Alors, c'est donc très très important de tenir la grève jusqu'à la fin, là, jusqu'à vendredi, évidemment. Alors, avant de passer au vote, on a les interventions donc, des camarades et grévistes du CHU. S'il y a quelqu'un qui veut venir nous faire un petit coucou. Et encore merci d'être venu. Bon, bonjour à toutes et à tous. Bon, je vois que vous êtes nombreux. On est venus avant-hier, il y avait du monde, mais là, il y a encore plus de monde, donc c'est bien. Soyez convaincus de votre lutte, et il faut lutter pour préserver le peu de droits qui nous reste. Donc, nous sommes un petit groupe de représentants du CHU. Nous sommes, nous aussi, en mouvement de grève depuis un moment pour les transports du sang qui acheminent le sang et divers flux au sein des différents hôpitaux de Toulouse. Nous avons décidé de prendre notre destin en main, puisque ça, tout se dégrade à l'hôpital, le personnel est en souffrance, et donc la qualité des soins auprès des patients se dégrade, et c'est important donc de prendre ces choses au sérieux de façon à améliorer cette situation qui ne peut plus durer. Donc un grand merci aux étudiantes et étudiants qui sont venus hier nous soutenir, et pas mal de monde, c'était très sympa de votre part, et sachez que, et le personnel bien entendu, très important, merci madame. Et sachez que vous avez le soutien du CHU aussi. Donc bonne lutte, courage et accrochez-vous, vous allez gagner. Merci. Alors la dernière intervention, c'était deux lycéennes, je crois, qui sont là et qui viennent faire un point sur les lycées, je crois. Elles sont en train de fumer, on n'a rien vu. Bonjour, du coup, moi je suis en terminale au lycée des Arènes et on a essayé de beaucoup mobiliser le lycée des Arènes cette année par rapport aux années précédentes où, par exemple, avec le mouvement contre la loi El Khomri, les lycéens et les lycéennes étaient très très mobilisés et cette année ça s'est complètement essoufflé. Et il y a une espèce de propagande qui est en train de se faire dans le lycée avec des petits documents sur le plan étudiant qui sont distribués aux lycéens et lycéennes pour expliquer que le plan étudiant ça vient les accompagner dans leurs études supérieures, tout ça, et c'est génial, la fusion des facs, c'est trop bien, on adore. Et le problème, c'est que le peu qui les lisent, ces documents, ils sont complètement révoltés. Ils sont là, mais oh mon Dieu, c'est de la merde. Sauf que quand on leur distribue des tracts, quand on les amène à penser par eux-mêmes pour pouvoir venir en manif avec nous, ils n'en ont rien à foutre parce que je pense qu'ils voient qu'au lycée, il n'y a que 2, 3 ou 4, 5 personnes qui sont vraiment mobilisées. Et du coup, je pense que ce serait super qu'avec la fac du Mirail, on puisse unir les lycées et les facs pour pouvoir lutter ensemble, en fait. Parce que c'est comme ça que les lycéens et les lycéennes seront mobilisés en voyant qu'il y a du monde et en voyant qu'ils ne manifesteront pas pour rien, parce qu'ils ont juste l'impression de manifester pour rien, parce que c'est des gros flemmards, ils préfèrent fumer leur pète devant le lycée quand même. Voilà. Mais je pense que c'est super important qu'on s'unisse pour lutter ensemble, en fait, et faire des AG inter-fac lycée, je sais pas. Faire un truc comme ça, faire des tracts ensemble, faire des trucs ensemble, et s'aimer parce que l'amour c'est trop bien. Voilà, merci. Alors, pendant son intervention, il y avait le copain du CFU qui me disait de vous transmettre, il nous remercie par rapport à l'argent qu'on a récolté dans leur caisse de grève qu'on avait fait tourner dans les assemblées générales. Donc voilà, ils nous disent merci. bah, du coup, on peut passer au vote. Donc, peut-être on commence par le début, et moi je propose qu'on commence par soumettre peut-être la question de la grève jusqu'à la prochaine Assemblée Générale, donc de faire en deux temps ensuite de voter quand est-ce qu'on fera la prochaine Assemblée Générale. Et du coup, je précise que comme les personnels, vous avez déjà voté la grève hier à votre Assemblée Générale jusqu'à jeudi, donc jusqu'à demain, on propose que ce soit simplement pour ce vote les étudiants et les étudiantes qui votent la grève, puisqu'a priori vous discuterez demain de la reconduction ou non de votre mouvement en Assemblée Générale. Du coup, pour la grève jusqu'à la prochaine Assemblée Générale, qui ne prend pas part au vote ? Moi, je suis étudiant. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Bon, ben, on peut se dire bravo, la grève est reconduite. Ensuite, sur la date de la prochaine Assemblée Générale, il y avait la proposition de faire donc la prochaine Assemblée Générale à la rentrée, lundi 8 janvier, et donc de reconduire la grève jusqu'à la rentrée en disant voilà, on serait présent et présente et on serait toujours mobilisés malgré les partiels. Donc, qui ne prend pas part au vote ? Qui vote pour une prochaine Assemblée Générale le 8 janvier ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Bon, bah pareil, prochaine Assemblée Générale le 8 janvier, à l'unanimité. Ensuite, participation à la manifestation qui sera organisée demain à 14h à Jean Jaurès. Et voilà, manifestation en commun, donc étudiantes, personnel du Mirail, mais aussi des autres facs contre les projets de fusion et le manque de moyens à l'université, qui, on l'a déjà voté, mais on va le revoter. Pour le voter tous ensemble, en fait, c'était ça la proposition, de la revoter tous ensemble, puisqu'on fait nager en commun. Donc, qui ne prend pas part au vote sur la manifestation de demain ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Assemblée générale, n'importe quoi. Manifestation, pardon, demain adoptée à l'unanimité. Alors, il y avait la proposition d'ouvrir des salles de révision pour les étudiants et les étudiantes qui bossent leur partiel et malgré le fait qu'on soit en grève. Donc, je vais soumettre le vote de principe et ensuite, pour les votes un peu flous comme ça, je propose que ce soit le comité de mobilisation qui est chargé de faire appliquer les mandats de l'AG qui ensuite voit l'organisation plus pratico-pratique de ces propositions. Donc, sur le principe d'ouvrir des salles de révision aux étudiants et aux étudiantes, qui ne prend pas part au vote ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La proposition passe au cours. Alors, il y avait l'idée de faire une réponse au mail du président de la fac qui a été envoyé hier soir. Donc pareil, je propose que si c'est voté, ce soit au comité de mobilisation ensuite de voir les détails du mail. Mais du coup, qui ne prend pas part au vote ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté. Ensuite, sur la question des partiels, il y a le vote de principe de dire qu'aucun étudiant ou étudiante, mais je précise aussi, enfin c'est pas écrit, mais ni personnel ne pourra être sanctionné pour non-participation au partiel, quoi. Donc de voter une motion de principe, quoi, que voilà, si on ne participe pas au partiel, on n'est pas pénalisé, quoi. Qui ne prend pas part au vote ? Alors, on a un appel aux propositions de faire un appel au vote contre en une minute, common. Si quelqu'un veut faire un appel au vote pour en une minute aussi. Très simplement, bonjour à toutes et à tous. En fait, pour moi, ce genre de vote sera dans les faits inapplicable. Parce qu'il ne dit rien de la manière dont on s'y prend pour faire en sorte que les personnes ne soient pas pénalisées. On peut dire que c'est un vote de principe, mais en l'occurrence, ça va peut-être créer aussi des inégalités entre les étudiants et les enseignants qui sont en cours. C'est-à-dire que certains enseignants vont être très sympathiques avec leurs étudiants qui font des mobilisations, qui sont dans la mobilisation, et d'autres, au contraire, vont les taper pour ça. La question, en fait, c'est que comment on fait pour que ce genre de choses, ça s'applique uniformément à l'ensemble des étudiantes et des étudiants de l'université. Moi, c'est ça ma vraie question aujourd'hui, et je pense que c'est sous cette forme-là qu'on doit pouvoir la poser. Est-ce que quelqu'un veut venir faire le vote pour, ou est-ce qu'on vote directement en vote ? Bon, on a le vote pour. Non mais le pour déjà, parce que je sais pas si vous avez vu, mais il y a pas mal d'enseignants qui ne sont pas grévistes, mais qui en fait ont envoyé des mails en se solidarisant au mouvement, à certains étudiants, à tout, en disant que leur cours ne se tiendrait pas. Moi je pense que déjà, c'est une conquête si on arrive en fait à faire pencher la balance pour qu'en fait il y a un nombre conséquent d'enseignants, même si pour l'instant c'est pas tous, qui veulent annuler les examens. Et ensuite, moi je suis d'accord qu'en fait on doit se fixer l'objectif de lutte d'empêcher tous les examens de se tenir, et c'est ça qu'a dit la motion. Et après, à mon avis, c'est au comité de mobilisation. Oui. Il y a méprise parce qu'il y a deux propositions différentes sur les partiels, on ne s'excite pas comme ça. Oui, mais bon, ça, enfin, je sais pas. Pardon. Donc c'était le vote cafouillage, l'appel au vote cafouillage. Du coup, sur ce principe un peu dans la frais de dire pas de pénalité pour les étudiants mobilisés qui ne vont pas au partiel, qui ne prend pas part au vote ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Bon, je crois qu'il y avait une majorité de pour, mais c'est entre pour et abstention. Mais comme, de toute façon, c'est juste une motion de principe, je propose qu'on ne perde pas de temps à compter entre pour ou abstention, et que voilà, dans le principe, les étudiants ne seront pas pénalisés. Et ensuite, de voir, donc la deuxième proposition qui était donc cette fois-ci faite, je crois, par Léo, c'est de dire s'organiser pour qu'aucun des partiels ne puisse se tenir à la rentrée. C'était ça, hein, la proposition. Donc sur cette proposition-là, et donc du coup ensuite de voir en comité de mobilisation comment s'organiser, il y a un appel au vote. Ouais, j'essaye de faire court. Robin, je suis étudiant d'histoire. Très rapidement, moi j'appelle sur ça à ne pas prendre part au vote, parce que ça fait une semaine que ce débat y traîne. Et ça fait une semaine que quand on pose la question comment on fait pour qu'aucun étudiant n'ait à passer ses partiels, il n'y a aucune réponse. Et moi je suis désolé, mais y compris les personnels, là c'est une adresse à nos camarades personnels, qui en ont débattu hier, qui en redébattront demain matin. Si vous nous proposez une solution pour être sûr et certain qu'aucun étudiant n'ait à passer ses partiels, ok, on est preneur, il n'y a pas de problème avec ça. Le problème c'est que, bloquer les partiels, vous allez aller à Figeac, à Blagnac, parce qu'il y a des sites de localiser aussi. Donc c'est pas vrai qu'on arrivera à le faire. Voilà, moi je ne crois pas qu'en disant par principe on bloque tous les partiels, ça marche, et on l'a déjà vu dans d'autres mobilisations, il y aura des enseignants qui feront passer les partiels et qui seront extrêmement durs avec les étudiants qui les passent. Donc je suis désolé, mais s'il n'y a pas une solution uniforme pour tout le monde, je pense qu'il ne faut pas prendre part au vote sur ça. Il y a un appel au vote pour, ou au vote, je sais pas. C'est pas des interventions, hein, c'est des appels au vote en limite. Alors moi, j'appellerais à voter pour en nuançant. Pour moi, non, c'est vrai. Parce que bloquer les examens, je pense qu'il ne faut pas l'entendre comme faire un blocage des salles et empêcher les étudiants et les professeurs d'aller tenir les examens. Parce que ça va créer du clivage entre nous, une séparation entre les étudiants et les personnels. Par contre, oui, bloquer les examens, comment ? En vraiment se mobilisant encore plus pour parler avec les enseignants, leur expliquer qu'il n'y a pas de semi-grève, qu'on est gréviste, on ne tient pas les examens, on n'est pas gréviste si on vient aux AG et on retourne travailler. Donc c'est parler aux étudiants aussi en leur expliquant que les examens, s'ils n'ont pas lieu, c'est aussi pour des questions politiques, du coup aujourd'hui. Donc pour s'y bloquer, ce n'est pas bloquer en force, mais bloquer en essayant justement d'être dans la communication. Je ne sais pas si je suis claire, mais... Mais non, mais c'est pas ta motion qu'on est en train de faire voter. Non, ce n'est pas ça. Je sais ce que je suis en train de soumettre en vote, ce n'est pas la motion que tu as proposée. Ou alors bien la recopier mieux, j'en sais rien, mais on va passer au vote sur cette question-là, donc de savoir si oui ou non on s'organise pour bloquer tous les partiels à la rentrée. Donc, qui ne prend pas part au vote ? Qui vote pour ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Quand il y a plus de NPPV d'abstention ensemble, ça veut dire que c'est pas voté, quoi, c'est ça, non ? C'est... Donc, vote reporté à la prochaine Assemblée Générale. De toute manière, on vient de voter avant le principe de tout faire, enfin, de faire en sorte que les examens ne seraient pas pénalisés si on n'y participe pas. Bon, de toute façon, il y avait une majorité de NPPV, donc vote reporté. Sur la motion, donc je vais lire la motion qui a été proposée aux élus des CA pour refuser la sélection. Elle est derrière moi, je la lis une fois et ensuite on passe au vote. La loi Vidal, en créant un marché de l'enseignement marqué par la concurrence de tous contre tous et sous couvert d'individualisation et de contractualisation, procède à un assujettissement de la vie de jeunes citoyens qui aggravera les inégalités sociales. Les étudiantes, étudiants et personnels réunis en Assemblée Générale le 20 décembre 2017 appellent les élus qui siégeront au Conseil d'administration de l'Université Toulouse Jean Jaurès au moment où la loi entrera en vigueur à voter et à appliquer sa désobéissance. Donc, sur cette motion, qui... Que quoi ? Bon, hop, descendons pour faire des appels au vote en une minute. Est-ce qu'il y a une autre personne qui voudra faire... C'est un appel au vote, comment ? Pourquoi ? Bonjour, moi je pense que le vote il se pose pas en ces termes. Enfin, sur le fond, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut qu'on étende notre mobilisation aussi au plan étudiant. Seulement sur la question du CA. Le CA, on est en train de dire qu'il n'est pas légitime. On est en train de dire que notre président, c'est notre futur ex-président, pardon. Qu'il ne représente plus rien, que le CA ne représente plus rien. On demande la démission des deux. Alors à ce moment-là, je crois que c'est pas logique en fait de demander tout de suite au CA à la rentrée de statuer sur quelque chose. Et là, quand ça nous arrange, on va le respecter. Voilà, après sinon, quand le CA aura changé, ou quelque chose d'autre, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a un autre appel au vote ? Oui, voilà, une minute. Ouais, simplement pour dire que c'est un appel au vote pour le CA qui sera en place le jour où la loi entrera en vigueur. Du coup, la question ne se pose même pas. Voilà, merci. Très bien, donc on va passer au vote. Sur cette motion, qui ne prend pas part au vote ? Qui vote pour ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? La motion est adoptée à une courte majorité. Bon, on dit qu'il faut compter. Hop, deux personnes, est-ce que deux ou trois personnes peuvent descendre pour compter, s'il vous plaît, les votes par rapport à cette motion ? On avait quelqu'un qui compte ici. Bon, bah voilà, c'est largement le pour qui passe. Enfin, largement, c'est le pour qui passe, quoi. Donc la motion est adoptée. Sur la question, il y avait une question de faire tourner, de créer une pétition contre la fusion et de la faire tourner nationalement. Qui ne prend pas part au vote ? De quoi ? Qui est pour ? Ok. Qui est contre ? C'est une technique de légalité. Qui s'abstient ? Qui ? Très bien, donc on fera une pétition, le comité de mobilisation se chargera de faire une pétition. Et enfin, voilà. Fumier. Non. Bon, du coup, il ne reste plus qu'à voter. Donc, le fait de faire une action à la sortie de cet AG qu'on vous propose de rallier juste après ce vote. Wow. Donc, du coup, pour une action coup de poing à 14h, qui ne prend pas part au vote ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Eh bien, très bien, on va partir donc en action. Et juste avant de partir en action, je rappelle qu'à partir de 16h, on se donne rendez-vous dans le bâtiment accueil pour un moment festif avec des concerts qui commencent à 18h, que les personnels, les étudiants, vous êtes tous et toutes invités à venir et qu'il y a des bières. Et ah oui, et je profite pour dire que je suis responsable du bâtiment accueil et qu'il n'y ait aucune dégradation dans la soirée de ce soir. Donc, avis à tous ceux qui adorent faire des tags ou ce genre de choses, on les fait pas sur les murs. Je vais laisser le micro. Et donc, il faut faire attention à ne pas dégrader qui font le nettoyage, qui en fait se tapent des heures sup quand on fait des tags, et qui se remettent la pression, et eux aussi ont le droit de prendre des vacances de Noël, donc soyons sympas et pas de dégradation dans les locaux. Salut, bonjour tout le monde. En fait, je prends la parole à la fin, je suis désolée, mais j'arrive pas, moi, en fait, ces lieux-là, j'arrive pas à parler en public, donc voilà, mais j'avais vraiment besoin de vous le dire. En fait, je trouve qu'on parle beaucoup, mais finalement, on met pas tant d'action sur la grosse problématique de comment on inscrit notre mobilisation dans le temps. Et je vous propose, de 14 à 16 heures, en fait, on doit préparer la soirée dans la salle devant l'amphi, donc je vous propose aussi de faire des petits ateliers pour voir comment on continue cette mobilisation. Voilà.